Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, la chartreuse de Parme, Stendhal et l'Italie. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. C'est par ces mots glorieux, eux-mêmes entrés depuis dans la légende, que Stendhal, le 4 novembre 1838, entame l'écriture, ou plutôt la dictée, de son roman qui sera son dernier, La Chartreuse de Parme. Imaginez Stendhal. Dans son appartement de la rue Caumartin à Paris, l'écrivain, pour ne pas être dérangé, a demandé à son portier de dire à tout le monde qu'il est à la chasse. Pendant 53 jours, à raison de 20 ou 30 pages quotidiennes, Stendhal va inventer son livre et le dicter à son copiste, le brave Bonavis, qui ne prend que 20 centimes la page. Et le 26 décembre, enfin, donner naissance à son chef-d'œuvre. La Chartreuse de Parme. Par ce roman, l'écrivain de 55 ans qui a beaucoup vécu, écrit et aimé, mais qui n'a plus que quelques années à vivre, se souvient de sa jeunesse tumultueuse et du choc esthétique et sensuel éprouvé par le jeune grenoblois comme une deuxième naissance en découvrant l'Italie. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Philippe Berthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la littérature du 19e siècle, professeur émérite à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, très nombreux ouvrages sur Stendhal, des livres toujours d'une grande érudition et en même temps écrits dans un très beau style. Beaucoup de tendresse pour Stendhal et d'humour aussi, j'ai remarqué. Est-ce que c'est très osé de dire que vous lui avez consacré votre vie à cet écrivain ? Non, c'est un peu inexact parce que j'ai eu d'autres amours. Mais enfin, disons que Stendhal a une place évidemment tout à fait éminente dans mon panthéon parce que à 16 ans je suis tombé dans les eaux du lac de Côme en lisant La Chartreuse de Parme et d'une certaine façon je n'ai jamais réussi à en sortir, je n'ai jamais souhaité en sortir. J'ai eu une sorte de coup de foudre de lecture et je me suis dit ah, j'aimerais bien que la vie ressemble à cela, voilà, et je crois que cet effet chartreuse, les lecteurs, les happy few qui sont peu few, en fait, il y en a beaucoup, le ressentent tous. C'est ce qu'on a appelé le miracle de la Chartreuse. C'est vraiment un livre qui exerce sur ses lecteurs une magie dont on trouve peu d'équivalent. Parce que c'est le livre qui résume une expérience de toute une vie. Stendhal s'était énormément occupé d'Italie avant, mais il n'avait pas consacré à payer sa dette à l'Italie sous forme romanesque. L'histoire, Philippe Berthier, que je vais raconter tout à l'heure, commence le 4 novembre 1838, quand Stendhal entame l'écriture donc de La Chartreuse de Parme, l'occasion pour nous d'un flashback sur plusieurs épisodes de sa jeunesse et de sa vie. Le premier épisode, c'est donc son arrivée à Milan, pour prendre la mesure du choc justement qu'il a éprouvé à ce moment-là. Philippe Berthier, pouvez-vous nous dire quelle a été sa vie justement avant ? Bien, ça a été une vie assez triste parce que né dans une famille où il n'était pas heureux après la mort de sa mère, ne s'entendant pas avec son père, ne rêvant que d'une chose, de fuir ce trou ingrat qu'était à ses yeux Grenoble. Et Grenoble, pour moi, c'est le souvenir d'une indigestion. Donc il n'avait qu'une hâte, c'était de fuir à Paris pour noircir du papier dans un grenier, devenir un grand homme. Et il y avait en lui, depuis très tôt, un mythe italien. Sa grande tante Elisabeth lui parlait de ce pays où les orangers viennent en pleine terre, et sa mère adorée, dont il n'a jamais réussi à faire complètement le deuil, était une italianiste. Elle avait dans sa bibliothèque les œuvres de Dante, elle lisait l'italien dans le texte, et donc c'était pour lui, il y avait une image idéalisée. Et lorsque à Paris, au moment où tout allait mal pour lui, il a été recueilli par un parent qui avait un poste très important au ministère de la guerre, il était le comte Daru, secrétaire général au ministère de la guerre, qui l'a, pour lui éviter de sombrer en quelque sorte, qui l'a embarqué dans la folle aventure du passage des Alpes à la suite de Bonaparte en 1800. Donc c'est la deuxième campagne voilà, italienne. À 17 ans, donc il faut quand même imaginer ça, c'est vertigineux, un garçon de 17 ans qui se trouve par un jeu de circonstances vraiment entraîné à la suite d'une aventure épique, puisqu'il s'agit de rien de moins que d'aller libérer l'Italie de ses oppresseurs. Donc Stendhal, Henri Bell, a vécu 4 ans après Bonaparte, ce que le début, la première phrase, le premier coup d'archet de la Chartreuse de Parme, de manière inoubliable, racontera. Donc il faut imaginer que en palimpseste, en capillarité, si je ne sais pas, on peut dire oui, que sous l'entrée des Français à Milan en 1800, il y a l'entrée d'Henri Bell à Milan en 1800. Et il nous explique dans son autobiographie La vie d'Henri Brulat que là, tout lui a été donné d'un seul coup. Tout ce dont il vivrait ensuite tout au long de sa vie, l'Italie l'attendait. Milan sera toujours pour lui la capitale de son désir et de son désir. Et la découverte de soi coïncide avec une magnifique mission historique, apporter la liberté à un peuple esclave. Merci Philippe Berthier pour cette introduction. On continue tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, La Chartreuse de Parme, Stendhal et l'Italie, un texte d'Isabelle Bourna, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Christophe Hoquet. Arrive dans une demi-heure. Mes amis me croient parti à la chasse, très bien, je ne serai pas dérangé. En vérité, oui, je suis parti à la chasse toute ma vie, mais c'est le bonheur que j'ai traqué. Et maintenant, je vais passer le relais à mon héros, Fabrice. Fabrice, ça ne suffit pas. Comment s'appelle ce village au bord du lac de Caume ? Dongo. Ce sera Fabrice del Dongo. Oh, je sens en moi monter le flot des souvenirs. Ça va couler comme le Tibre. J'ai tout, le papier, la plume, l'encre. Je vais dicter mon roman au copiste, comme je parle, au galop. De l'élan, voilà ce qu'il faut, de l'improvisation, de la sincérité, du hasard et de la passion. Surtout pas de style en poulet à la Chateaubriand. Ce roman-là sera un hymne à la jeunesse. Son terrain de jeu, l'Italie, forcément. Le titre, je l'ai, La Chartreuse de Parme. Le 4 novembre 1838, dans son appartement parisien, Stendhal, de son vrai nom Henri Bell, commence son chef-d'œuvre. Durant des semaines, dans un jaillissement oral bouillonnant, il va le dicter sans relâche à un copiste qui écrit au rythme de la parole. À 55 ans, Stendhal est décidé à trouver la gloire. Des combats, il en a mené, et pas des moindres. Avec l'armée napoléonienne, il a traversé l'Europe jusqu'en Russie. Mais l'épopée a tourné court, la chute de Napoléon a aussi été la sienne. Alors, puisque l'histoire a interrompu ses rêves, il les poursuivra à travers son héros, Fabrice. Pour cela, il se souvient. Il se revoit en 1800, fraîchement diplômé de l'école centrale de Grenoble. Adolescent mal dans sa peau, ne sachant que faire, être poète ou séducteur, il saisit la perche tendue par ses cousins qui travaillent au ministère de la guerre. Pierre et Martial Daru lui proposent de suivre le consul Bonaparte dans la seconde campagne d'Italie. Tout feu, tout flamme, Henri arrive à Milan en juin 1800. Il a 17 ans. Hé Henri ! Oh ! Martial ! On s'impatientait. Nous sommes à Milan depuis 2 semaines. Mettons-nous sous le porche, il y aura moins de bruit. Ah, je suis arrivé hier avec la queue de la troupe. Mais attends, pour célébrer la victoire de Marengo. J'ai vu le défilé au flambeau. Attention, tiens la bride quand tu descends. Oh, t'inquiète pas, j'ai fait des progrès. À mon départ de Genève, j'ai failli rester au fond du lac. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bah, mon cheval n'était pas sorti de l'écurie depuis 1 mois. À peine dehors, il a quitté la route pour courir dans un champ. Heureusement, il est pacifique, un vrai Suisse. Tu as tout de même réussi à traverser les Alpes. Franchement, sans l'aide d'un capitaine, je serais mort au col du Grand Saint-Bernard. La descente vers le fort de Bar sous les canonnades, j'oublierai jamais. Tu me parais bien ragaillardi. Avant, je crevais d'ennui, maintenant, je ne sais plus où donner de la tête. Tu tiens mal ton sabre, là. Quand je pense que mes camarades se morfondent sur les bancs de Polytechnique. À Novare, à un concert, j'ai découvert une musique extraordinaire. Le Matrimonio Segreto de Cimarosa. Comment ça, tu es allé à un spectacle ? Oui. Tu n'as même pas de tenue militaire, des Autrichiens auraient pu te tomber dessus. C'est le ravissement qui m'est tombé dessus. Il y aurait bien eu des Italiens pour me défendre, ils sont pas si bêtes. Ils ont compris que les Français leur apportent la liberté. Je te préviens, tu ne vas pas rester en civil comme ça au milieu de 40 000 hommes. Pierre a l'intention de te faire rapidement intégrer l'armée. Moi ? Militaire ? Au 6e dragon. Tu as de la chance, c'est une faveur, parce que Pierre est haut placé et que tu es notre cousin. Enfin, Martial, toi tu le sais bien, je rêve d'écrire des comédies comme Molière ou Goldoni. Vous ne pouvez pas me placer dans l'administration comme vous ? Tu auras un uniforme vert avec un col écarlate et un manteau blanc. Pas mal ! Et tu prendras des leçons d'équitation. Tu as déjeuné ? Ah non, je cherchais une auberge. Je t'emmène manger des côtelettes panées. Oh, j'ai toujours faim ici. C'est parce que je suis heureux, comme je ne l'ai pas été depuis 10 ans. Vraiment ? Aucune nostalgie de Grenoble ? Ne me parle plus du Dauphiné, ni de mon père, ce vieux monarchiste odieux. Soit, je n'en parlerai plus. Oh, oh ! Tiens, regarde là-bas. Tu vois ? Bien sûr, c'est la Scala. Sur la deuxième marche. Tu vois cette femme à la robe rose à côté d'un homme en redingote grise ? Oui. C'est une des plus magnifiques créatures de Milan. Quand elle se promène sur le Corso, tout le monde se retourne. Sublime. Reprends tes esprits. L'Italie est le plus beau lieu de la Terre. Qui est-elle ? Elle s'appelle Angela Pietragrua. Elle est mariée à un employé de bureau, mais c'est la maîtresse de Joinville, le patron de Pierre. Ce soir, nous aussi, nous irons à la Scala, je te la présenterai. Ah, mais que vais-je lui dire ? Je perdrai la parole. Grand Nico ! Avant, nous irons boire du vin à la Casa dei Servi. Tu as tout à prendre. Oh, tu as raison, je serais mieux en uniforme qu'avec cet habit misérable. Te voilà pressé maintenant. Tu as dit Angela. Angela, premier visage d'une suite amoureuse d'où naîtra la superbe, irrésistible duchesse de Sanseverina de la Chartreuse de Parme. Mais pour l'heure, Henri Bell est trop jeune pour conquérir sa future muse. De 6 ans plus âgée que lui, elle est mariée, elle a un fils et des amants. Henri, à 17 ans, joufflu comme un enfant et très timide, doit se contenter de faire partie des nombreux amis d'Angela. Il se rend souvent chez elle et devient un familier, tout en dissimulant son amour. Henri est follement heureux d'être à Milan, et pourtant, brusquement, il fait volte-face. En 1801, seul, il regagne précipitamment la France, prétextant une maladie. La musique, l'art, l'imagination, les voyages, les grands événements. Je le sais maintenant, c'est ça que je veux. Tout plutôt que la platitude. Mais je ne supporte pas d'être militaire. La vie en régiment m'est impossible. Ma sensibilité extrême me dévore. Quelle foutue bête je suis. Revenu en France, il passe son temps au théâtre et à l'opéra. Il ne concrétise aucun projet, ni littéraire, ni professionnel. Refusant de reprendre des études, pendant 4 ans, il s'étourdit de sorties nocturnes jusqu'à la nausée. Début 1806, il touche le fond dans sa chambre à Paris. Oh zut, la quinquina. Oh puis ça ne fait rien. Dans ma fébrilité, je me suis vu galoper aux côtés des maréchaux d'Empire. Murat, Ney, Soult, Duroc. Oh, quel mal de crâne. L'actrice que j'ai chevauchée cette semaine m'a filé une chaude pisse. J'ai envie de vomir. Si mon père me voyait, il me couperait les vivres. Or, tout ça ne peut pas durer. Napoléon est vainqueur à Austerlitz et moi je végète. Pour ce qui est de l'écriture, ça s'arrête à mon journal. Je n'ai même pas réussi à écrire une bonne pièce, j'ai déjà 26 ans. Il faut que je retrouve une vie plus excitante et que je maîtrise ma sensibilité. Oh, j'ai la tête qui tourne. Henri stagne. Napoléon, lui, a accompli des prouesses. Couronné empereur en 1804, il a déjà promulgué le Code civil et bouleversé l'échiquier de l'Europe. Henri sent que son destin est lié à l'odyssée de sa génération. Mais ayant démissionné de l'armée, il ne sait comment rejoindre l'aventure. Au printemps 1806, pressé de rattraper le temps perdu, il décide de renouer avec son protecteur et cousin, Pierre Daru. Pour cela, il s'adresse d'abord à son épouse, Alexandrine, qui lui inspire une tendresse amoureuse. Pendant que Pierre est en campagne en Autriche, Henri se rend dans leur maison de Montmorency. Vous m'êtes très cher. Votre franchise ne me laisse pas indifférente. Vous rougissez. Taisez-vous. Tous les deux, nous sommes troublés. Je sens que vous me comprenez, vous. Je suis une femme mariée, qui plus est à votre cousin. Non. Laissez-moi votre main. Vous n'imaginez pas à quel point votre main dans la mienne me donne du courage. Soyons amis, et vous pourrez toujours compter sur moi. Vraiment ? J'ai tellement besoin de soutien et de tendresse pour voir plus clair dans mes hésitations. Et vous promettez-moi de songer sérieusement à votre avenir. Mon avenir ? Mon avenir ? Là-dessus, laissez-moi vous faire un reproche. Vous vous êtes entiché de l'Italie et à peine sous-lieutenant, vous avez démissionné. J'étais un gamin. Justement. Puisque vous étiez jeune et indécis, l'armée vous aurait donné un cadre. Je ne veux ni commander, ni être commandé. J'ai suffisamment obéi à cet abbé qui était mon précepteur à Grenoble. Je hais la subordination. D'accord. Mais une fois en France, vous êtes parti à Marseille pour une affaire de banque qui a mal tourné. Ensuite, vous avez passé votre temps au spectacle et vous avez tranquillement pris des cours de clarinette. Bah, cela m'est vital. Je voudrais tellement jouer le concerto de Mozart. Sincèrement, vous vous dispersez. C'est votre père qui vous finance ? Oh, chichement. Il donne plus à l'église. Il soutient toutes les tyrannies. Regardez l'écureuil. Il sautille. On dirait Mademoiselle Mars dans le rôle d'Agnès. Puisque nous parlons à cœur ouvert, je vais vous dire. Je meurs d'envie de retrouver Napoléon. Je veux être de ceux qui répandent le goût de la liberté. Quoi ? Vous croyez qu'on peut faire un pas en avant, deux en arrière et recommencer ? Je pourrais peut-être obtenir un poste d'adjoint dans les services du ministère. Vous brûlez les étapes administratives. J'accepterai de simples tâches d'intendance. Pierre est secrétaire général maintenant, il a de hautes fonctions. Alors suivez mieux ses directives. Prenez exemple sur Martial. Le soleil est si fort, il passe même à travers la charmille. Une branche s'est prise, attends. Mais tiens-moi l'ombrelle. Voilà. L'ombrelle n'est pas déchirée. Et le vouvoiement s'est envolé. Les troupes libèrent l'Allemagne, mais ce n'est pas le soleil là-bas et encore moins l'Italie. Je serais prêt à aller n'importe où. L'Italie, je suis certain d'y retourner un jour ou l'autre. L'âme de ce pays vibre avec la mienne. Il y a un quart d'heure, tu voulais rester auprès de moi. Alexandrine, je t'emporterai avec moi. L'Italie est le pays des arts et de l'amour. La France est celui de la vanité. J'aimerais être heureux là-bas. Tu débordes d'énergie, tu en oublies la réalité. J'ai besoin d'action. Mais avec un être que j'aime et qui m'aime à mes côtés, un être tel que toi. Tu es si douce. Chut. Mais l'amour... Tu le trouveras ailleurs. Écoute-moi, je veux bien parler à Pierre. Mais s'il accepte de t'engager dans le personnel d'intendance, si vraiment tu pars vers l'Est avec la grande armée, tu seras confronté à de grands dangers. Je les éviterai. J'aime trop la vie. Et je tiendrai mon journal. J'écrirai tout ce que je verrai. Si on rentrait... Laisse-moi encore te regarder. Ton visage me rassure, Alexandrine. Écris-moi aussi, quelquefois. Alors il faudra accepter de lire que je pense à toi et que ta compagnie me manque. Nous verrons bien. Promets-moi surtout d'accomplir cette fois ta mission jusqu'à son terme. Du moment que je ne suis pas enrégimenté et que cela te plaît, je m'y engage. Voilà Henri Bell engagé dans la campagne de Prusse. Il entre à Berlin en octobre 1806, puis, affecté en Saxe, il découvre un village dont le nom sera un de ses pseudonymes parmi les 200 qu'il adoptera. Mais celui-ci le rendra célèbre, Stendhal. Les victoires s'enchaînent, Iéna, Eylau et Friedland en 1807. D'abord estafette, Henri veille aux approvisionnements. Au cours des haltes de l'armée, il parvient à séduire Jeannette, puis Charlotte et Mina, dont il se souviendra plus tard pour ses figures romanesques. Et comme l'avait prévenu Alexandrine, il découvre aussi les combats. Chaque jour, il note ce qu'il a vécu. Dans son journal, il est son propre héros. 5 mai 1809, 23h. Dans la maison réquisitionnée, on manque de nourriture. Je meurs de sommeil. Mes camarades ont des mines de déterrés. L'incendie d'aujourd'hui était superbe. Une colonne de fumée pleine de lumière traversait la ville. Mais en arrivant sur le pont, nous trouvons des cadavres d'hommes et de chevaux. Les obus qui pleuvaient ont mis le feu. Les pauvres diables ont été brûlés vivants. Toute la ville d'Ebersberg est jonchée de cadavres. Il y a des milliers de morts. Un brave Allemand, les yeux ouverts, courage et bonté sont peints sur sa figure. Plus loin, un très bel officier français. Un de nos hommes lui prend la main. La peau de l'officier y est restée. Henri Bell, futur Stendhal, transposera cette scène à Waterloo. Il la fera vivre à Fabrice, lorsque celui-ci découvre son métier de soldat et la triste comédie de la guerre. ce sera une des plus fameuses pages de la Chartreuse de Parme, où Stendhal déploiera son ironie, son allégresse et son mépris du sentimentalisme. Mais avant de s'atteler à ce qui sera son chef-d'œuvre, il a encore beaucoup, beaucoup d'autres aventures à vivre. À l'été 1809, derrière le maréchal Masséna, il arrive à Vienne pour entendre sonner la victoire de Wagram. Oh, celui-là, l'apothéose! Ça me donne faim. Retournons prendre des saucisses. Tu en as au moins avalé 5. Eh ben, ça fera 6. Franchement, tout ce tapage, pourquoi? Oh, ne fais pas le désabuser. Je t'ai vu dans la cour de Schönbrunn quand l'empereur passait les troupes en revue. Tu frissonnais. Ce fut un des plus grands spectacles de ma vie. Des milliers de moutons rassemblés pour aller à la boucherie. Dès qu'on est en bas, je te jette à l'eau. Ce serait dommage de mouiller ma tabatière. Les gens sont heureux. Nous sommes les artisans de l'unification allemande. J'irai n'importe où avec l'empereur, mais je suis bien content de n'avoir à tuer personne. Et pour couronner le tout, il va épouser Marie-Louise d'Autriche. Ce Metternich a sacrément manœuvré pour cela. Il m'amuse beaucoup, un vrai personnage de roman. Moi aussi, quand nous serons à Paris, je ferai comme Napoléon. J'ai l'intention de faire un bon mariage et d'avoir des enfants. Moi, je filerai en Italie pour faire ma déclaration à Angela que je n'ai pas réussi à oublier. Allegro risoluto. Et après tout ce qu'on a vécu ensemble, je compte sur toi pour être à mon mariage. Rentré à Paris en 1810, Henri Bell s'active pour obtenir un meilleur poste dans l'administration. Il est nommé auditeur au Conseil d'État, puis inspecteur du mobilier et des bâtiments impériaux. Très proche d'Alexandrine Daru, il entretient avec elle une relation tendre, sans espoir d'être son amant. C'est avec une chanteuse lyrique qu'il passe ses nuits, tout en menant une vie mondaine nouvelle, se faisant introduire dans des salons et essayant d'écrire des comédies. Mais l'Italie lui manque, Angela aussi. Il prend la route début 1811. Ce soir, je serai à Mantoue, demain, Milan. J'irai d'abord dans cette auberge qui m'avait tellement plu, Via Torino. La serveuse chantait un air de Mozart. Puis je prendrai un café à la crème avec un sorbet, place du Dôme. Ensuite j'achèterai une canne, comme ça j'aurai l'air d'un homme du grand monde. Je n'aurai plus les mains dans le dos à la papa. Ensuite, est-ce que je me précipiterai chez Angela? J'ai peur de fondre en larmes. J'ai pourtant 28 ans maintenant. Oh, cette douce brise qui vient du lac Majeur, quel enchantement! Oui, je foncerai chez Angela. Je ne viens pas ici pour m'assagir. Le repos est l'avant-garde de la mort. J'irai tout de suite chez elle. Andro qui vi domani. Foi de cocher. Domani. Amore. Si. Retrouve-moi à la Scala ce soir. J'y ai ma loge maintenant. C'est dans 8 heures, j'y serai. J'ai bien attendu 10 ans. Tu seras seule? J'y serai sans mon mari. Il me laisse libre. Mais tu sais ce que c'est, la Scala. On y retrouve ses amis. Tu te souviens, quand je venais ici, ton fils jouait avec mon casque? Antonio a bien grandi, tu verras. Et tu sais, moi, j'ai fait bien des folies. Ne dis rien. Bacci, bacci. Il faut m'aimer totalement. Et moi, je te veux tout entier. Sois-en sûre. Je ne suis pas un de ces petits Français qui voient leur maîtresse une demi-heure et reviennent la semaine suivante. Je veux tout partager avec toi. C'est le Mont Viso là-bas? Già, sempre innevato. Toujours enneigé. Être allongé contre toi et depuis ton lit voir le paysage que Virgile et Dante ont chanté, c'est le bonheur. Tu vas donc rester en Italie? Le plus longtemps possible. J'espère obtenir un poste d'ambassadeur. Ainsi, je n'aurai pas trop de travail. Je pourrai écrire une histoire de la peinture. Qu'est-ce que tu cherches? Mes bretelles. Pourquoi? Tu ne pars pas, au moins? Bien sûr que non. Je peux t'emprunter cette plume? Si. 11h30. Tu écris sur tes bretelles? 21 septembre. 1811. Et voilà. Cette date est désormais gravée. Tu vois, j'écris. Et là, sur mon cœur, tu veux bien? Mia follia. Alors tu ne repars plus. Plus jamais. Si. Pour aller à Rome, Bologne, Naples, Parme, pour admirer les chefs-d'œuvre de tes compatriotes. Embrasse-moi encore. Je te ferai découvrir des tableaux de Caravaggio dans d'insoupçonnables petites églises. T'aimer, être aimé et vivre en Italie. Vita felice. Autant que d'amour, Stendhal s'étourdit de peinture. Il contemple les tableaux de Michel-Ange, Botticelli, Raphaël. À Parme, il paye un gardien pour rester seul avec un tableau du Corrège. Le ravissement est complet. Hélas, le bonheur est de courte durée. Le 22 juin 1812, la France déclare la guerre à la Russie. Henri, qui est sous tutelle du ministre de la guerre, doit repartir avec la grande armée. Venant d'apprendre la sombre nouvelle, il court avertir Angela. Pourvu que je la trouve chez elle. La signora è uscita. Si la domestique me dit ça, je l'étrangle. Je ne peux plus respirer. Faites qu'elle soit chez elle, qu'elle ne soit pas dans un salon dégustant une torta della nonna. Il faut que je lui explique, je vais lui dire. Je pars pour revenir à Angela. Notre bonheur est juste suspendu. Ici est ma patrie d'élection. Angela, tu m'attendras. Je dois être tout rouge. Mon cœur se serre. Faites qu'elle soit là. Henri Bell quitte Milan et Angela. Il rejoint les 680 000 hommes de la Grande Armée pour gérer l'intendance des hôpitaux de campagne et réquisitionner des logements pour les officiers. Après le paradis, c'est l'enfer. Partie en juin 1812, l'armée de Napoléon est assaillie par les Cosaques à Smolensk. Elle est décimée dans la bataille de la Moscova et en septembre, elle arrive épuisée à Moscou, en proie alors à un gigantesque incendie. Henri fuit les flammes aux côtés des grognards, alors que l'hiver précoce accentue l'horreur de la déroute. En 1813, Henri revient sain et sauf du terrible passage de la Bérézina. Mais la chute de l'Empire est désormais inexorable. La première abdication de Napoléon a lieu en 1814. Anéanti, Henri part aussitôt en Italie, où il restera 8 ans, jusqu'en 1822. À Milan, après des retrouvailles heureuses, arrive la désillusion de l'amour. Un soir, à la Scala. Amore, tu étais donc là? N'est-elle pas magnifique, la voix de Ronconi? J'étais dans une loge en face. Malgré ta demande, je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Tu sais à quel point j'aime les opéras bouffe de Mosca. Et ainsi, j'ai pu te voir, Angela. Enrico, ne te méprends pas. Tu sais bien que dans ma loge, je reçois mes amis. Et tes prétendants. À la Scala, une femme doit se laisser caresser les genoux et les épaules. Ah, et? Sinon, elle passe pour une détestable prude. J'ai compris pourquoi tu souhaitais que je ne t'accompagne pas ce soir. Amore, l'opéra va reprendre. Et ton amant va revenir. Viens demain chez moi. Ti prego, Enrico. Je t'expliquerai. Je t'ai vu. Angela, l'amour est tué. Je hais le mensonge et la frivolité. Oh, mais tu me poignardes. Charmante bouffonnerie. Et dire que tu m'avais convaincue de la jalousie subite de ton mari. Mais si, je... Que de stratégie pour préserver mon rival. Mais ne compte pas à lui. La confiance est rompue. Angela. Décidément, ma vie est une cavalcade. Je repars ailleurs. Ti prego. Domani. Demain, de grand matin, je m'évaderai à Florence pour y contempler des trésors. Addio. Comment est-ce possible? Ce tourbillon sublime, la chapelle peinte par Giotto, et là un crucifix sculpté par Donatello, les sépultures de Machiavel, Galilée, Michel-Ange. Je rêve. Mon cœur bat la chamade, je vais m'écrouler. Ce prie-Dieu est pour moi. Ouh, mes jambes. Je me partirai mes bottes dans une église. Cette fresque, les Sibylles de Voltaire. J'en ai les nerfs qui chavirent. Qu'est-ce qui m'arrive? Quel vertige! Ce sont des sensations célestes. Un miracle de beauté. Henri Bell transcrira plus tard ses extases en déplaçant les époques. Il mêlera le prestige des familles florentines à celui des Farnèse. La Renaissance colorera la toile de fond de la Chartreuse de Parme qui se déroule au XIXe siècle. Qu'importe, pour Stendhal, les extravagances romanesques sont le meilleur chemin pour accéder à la vérité. Mais en 1822, Après bien des amours tourmentés, nommés Giulia ou Angelina, il doit, la mort dans l'âme, quitter l'Italie, désormais sous domination de l'Autriche. Non seulement il n'a plus d'argent, mais les autorités autrichiennes le soupçonnent d'appartenir au mouvement d'indépendance des Carbonari. La France qu'il retrouve n'est plus la même. Napoléon est mort en exil en 1821. Avec Louis XVIII, les Bourbons ont repris le pouvoir. À Paris, Henri écrit des nouvelles, collabore à des journaux d'art, puis finit par se tourner à nouveau vers son cousin Martial. Toutes ces années sans nouvelles de toi ? Pendant 8 ans, j'ai dépensé mes économies en Italie. Là-bas, j'ai publié des biographies sur des compositeurs. Depuis que je suis en France, je visite la province. J'ai lu tes récits de voyage. Ils sont pleins de fantaisie. Merci. Bah, tu t'en doutes, ça ne suffit pas. Tu sais, c'est difficile maintenant d'obtenir des missions. J'ai donc passé ma vie à tomber de cheval pour rien. Pierre t'en veut de ne pas avoir été là quand Napoléon est revenu de l'île d'Elbe. Moi aussi. Vous avez raison. Avoir manqué les 100 jours, c'est un de mes rares regrets. Mais il est immense. J'étais piégé par les charmes de l'Italie. On n'a pas pour autant oublié ton courage en Russie. Tu as fait preuve d'un tel dévouement. Et toujours imperturbable. Oh, le jour où tu t'es rasé de grand matin au milieu du chaos, tu te souviens? C'est un réflexe, rester gai et présentable en toutes circonstances. Tu as combien d'enfants? 3. Je n'en ai pas, mais j'adore leur compagnie. Ils me font oublier la mesquinerie des adultes, surtout en ce moment. Ça oui, on baigne dans la lâcheté. On dit que Louis XVIII est très malade, mais j'ai bien peur qu'après lui, la restauration ne fera qu'empirer. Je partage tes craintes. Et si tu venais dîner demain soir, on pourrait parler plus longuement. Oh oui, avec joie. Tu me pardonnes donc. Je vais réfléchir à ce que je peux faire pour toi. Pierre a échappé au limogeage, mais il ne peut pas s'exposer. Avec des types comme le comte de Villèle au Conseil des ministres, tu imagines le climat. Ça pue la médiocrité. Les nobles sont des éteignoirs. Eh, modère-toi si tu veux obtenir une préfecture. Oh, je préfère un consulat en Italie. Henri masque sa mélancolie avec élégance, mais en retrouvant son cousin, son cœur se serre à la pensée d'Alexandrine. Elle est morte en couche, comme mourut sa propre mère quand il avait 7 ans. Le temps passe. Malgré les efforts de Martial, Henri doit se contenter d'articles et d'essais sur l'art qui rapportent peu. En 1824, le roi Charles X succède à Louis XVIII. Henri, désespéré, trouve un réconfort auprès de son ami d'enfance de Grenoble, Louis Crozet, avec lequel il est resté très lié. Louis est devenu ingénieur chimiste. Il rejoint Henri pour un séjour à Paris en 1825. Oh, je respire mieux ici. Ce café est un repère de libéraux. Tiens, ce pichet va nous ouvrir l'appétit. Vu ton embonpoint. Je dépasse les 90 kilos. J'exècre les vieux monarques poudrés, j'aborde les réactionnaires bourgeois, alors je mange. Et j'ai envie de me brûler la cervelle. J'ai vu ça dans tes lettres. En fait, franchement, j'aurais un peu peur de me faire mal. Et puis, je ne peux pas m'empêcher d'être curieux de l'avenir. Je reconnais que la France devient moins belliqueuse. L'empereur a versé le sang, mais il a reculé les bornes de l'existence. Il nous a évité l'asservissement moral. Maintenant, tout est fichu, rideau. Tout ? Vraiment ? Et Mathilde, cette femme dont tu m'as parlé 100 fois dans tes lettres ? Bon, j'en parlais pour lui donner corps. En réalité, j'ai couru après un fantôme, mais elle n'est jamais entrée dans mon lit. D'après ce que tu m'as dit, c'est quand même elle qui t'a inspiré ton essai de l'amour. Oui, 40 exemplaires vendus. J'ai aussi écrit une biographie de Rossini, elle est passée inaperçue. Heureusement, mes essais sur la peinture se vendent un peu en Italie. C'est le moment de prendre un tournant. Ah, c'est fait. Maintenant, c'est la comtesse Curial que j'adore. Et ce n'est pas platonique. Elle m'enferme dans son grenier où elle monte en cachette de son mari. Rocambolesque. Ce sont des moments d'intense bonheur, hors du monde. Mais je parlais d'un autre tournant. Ah bon, lequel ? Littéraire. Tu dois passer au roman, il est grand temps. Tu dois écrire à partir de ce que tu as vu, vécu. Ah ça, j'ai plus vécu qu'un homme de lettres en 1000 ans de sédentarité. Victor Hugo et les romantiques, leur lyrisme boursouflé et tout le tralala, ils me font bien rire. À ta deuxième naissance, celle des romanciers. Si on faisait une partie de billard avant ma nouvelle vie. Oh non, j'ai dû perdre la main. Je joue pas souvent maintenant. Avec les enfants, je fais surtout des batailles de boules de neige. La campagne de Russie m'a blasé quant au plaisir de la neige. Si tu savais comme je suis content que tu sois là. Je te lâcherai pas. Je vais te dire quelque chose. Une chose qui ne s'écrit pas. À Vilna, j'ai bouché des trous dans la cloison de l'hôpital avec des bouts de cadavres gelés. Quoi ? De telles horreurs sont inconcevables pour nous autres. Oui, ça démystifie l'héroïsme guerrier. On mange ? Toi alors, ton sens épicurien te sauve. Tu vois, Henri, si tu écris avec cette irrévérence, cet anticonformisme, ce sera un joyau pour les lecteurs raffinés. Non, je t'ai plus. Ah, Louis, si je pouvais, je te proposerais de repartir en Italie avec moi. Oh, qu'est-ce que c'était bien, le séjour à Rome. Oh, les polenta. Et comment? Et les sorbetti. Et le sobuco. Et la piccata de veau. Le spazzatino de bœuf. Henri Bell, alias Stendhal, publie son premier roman, Armance, en 1826. En 1830, Le Rouge et le Noir reçoit les éloges de Goethe. Suit Lucien Leven 4 ans plus tard. Puis Henri se voit confier enfin un poste de consul en Italie. Hélas, dans un petit port, Civita Vecchia, un trou plus laid encore que Saint-Cloud, dira-t-il. Et les yeux pervenches de l'épouse de l'ambassadeur ne comblent pas son ennui. Exaspéré, ayant des ennuis de santé, il demande un long congé de convalescence à Paris. Cette fois, il veut jeter toutes ses forces dans la chartreuse de Parme. Pendant 52 jours, il puise avec ardeur dans le tumulte que fut sa vie. Il achève son roman le 26 décembre 1838. En avril suivant, le livre est en librairie. En septembre, dans la revue parisienne, Balzac signale un chef-d'œuvre. Il n'a jamais rien lu d'aussi beau depuis 40 ans. Mais en 1841, Henri a une attaque. « Je me suis colté avec le néant », écrit-il. En 1842, à 59 ans, il s'effondre à nouveau sur un trottoir parisien. Louis Crozet, son fidèle ami, se précipite à son chevet. Henri. Louis, qu'est-ce que tu fais là? Ton cousin m'a écrit. Oh, ce Martial, il est brave. Je lui ai mal rendu sa générosité. Mais je vous ai donc fait si peur. Tu sais pourtant bien que la machine est robuste. Et orgueilleuse. Cette fois, il te faut tout de même une vraie convalescence. Hein. N'en profite pas pour écrire. Oh, c'est bête. Je commençais à me voir à l'Académie française. Justement, tu t'es fait du mal. C'est pas ton genre, les cordons et les décorations. Oh, je les déteste toujours autant. Mais je visais un peu d'argent. Tes amis se démènent pour toi. Prosper Mérimée ne tarit pas d'éloges. Oh, qu'est-ce qu'on a baroudé tous les deux. Oh, je ne sais pas si j'arriverai à obtenir un fauteuil, mais pour l'instant, je ne tiens pas debout. Henri, tu as écrit un chef-d'œuvre. Je l'ai dicté à l'image de ma vie. Je n'ai fait aucun plan. Mais pour une fois, s'il te plaît, reste un peu en place. Alors attrape cette eau de vie, tu veux bien? Et les verres? Oh. J'en ai passé des soirées dans les salons, en vue d'être immortel. Pas sûr que les ponches à minuit aient favorisé ta santé. À cette heure, c'est de toi qu'on doit causer dans les salons. À cause de ma crise? À cause de ton roman. Tu crées des remous dans le conservatisme. C'est cet abominable Guizot qui devrait avoir une attaque. Ne t'agite pas. Je voudrais écrire à Balzac. Grâce à lui, les ventes ont explosé. Mon éditeur m'a versé 2500 francs. Il n'y a pas le feu. Ah si. Tous ceux à qui l'Italie est chère liront la chartreuse de Parme avec délice. Oh, oh, ils ne pouvaient pas me faire meilleur compliment. J'irai bien voir le dôme de Milan sous la lune. Moi, j'ai apprécié ton clin d'œil à Grenoble. Comment cela? Ah, ne me dis pas que notre grande chartreuse n'y est pour rien. Ah oui. Les Grenoblois ont acclamé l'empereur à son retour de l'île d'Elbe. Ça m'a réconcilié avec eux. Mais ne t'emballe pas, tu vas voir. Tu peux prendre ce papier, là? Non, l'autre à côté. Tiens. C'est toi qui vas lire. Je suis pas Talma. Pas besoin, c'est court. C'est mon épitaphe. Les mots pour ta tombe? Oui. Ma tombe à Paris. Vas-y. Arrigo Bale, Milanese, Scrisse, amo, visse. Henry Bayle, Milanais, il a écrit, aimé, vécu. Comme notre Fabrice. En italien ? Je te demande de veiller à ce que cela soit respecté. J'y tiens. De Parme, Stendhal et l'Italie d'Isabelle Bournat avec Stendhal, Vladislav Galard, Martial Daru, Cyril Texier, Angela Pietragrua, Mariana Granci, Alexandrine Daru, Karine Goron et Pierre Crozet, Vincent Berger, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Mathieu Tourin et Étienne Collin, assistante à la réalisation Anissa Zidna, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. On continue de parler de Stendhal dans quelques minutes avec mon invité Philippe Berthier. Tu vois, derrière la lune, le sable rouille, on voit du rouge qui coule sur l'écume. Lonnie, comme la fin du monde sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale, Thierry Dupin, à la technique, Pierre-Yves de Rolin. Philippe Berthier, notre histoire se termine par la fameuse épitaphe que Stendhal tient avoir écrite sur sa tombe. Arrigo Bell, Milanese, visse, scrisse, amo. Henri Bell, Milanais, il vécut, il écrivit, il aima. Une épitaphe qui sera, en effet, inscrite sur sa tombe lorsqu'il meurt le 23 mars 1842. Il est enterré au cimetière de Montmartre. Oui, avec pourtant une infidélité à son vœu, dont le coupable est son cousin exécuteur testamentaire Romain Colomb, par ailleurs d'un dévouement absolu à Stendhal. Mais il a interverti deux des trois termes. En fait, Stendhal avait voulu un crescendo. Ouais. Il a vécu, il a écrit, il a aimé. Point suprême, indépassable, sommet de cette triade. Or, Romain Colomb a fait inscrire, il a vécu, il a aimé, il a écrit. C'est l'écriture qui apparaît comme l'achèvement, le sommet de cette vie. Sans doute, Stendhal en aurait été contrarié, parce que, non pas qu'il minimise sa tâche d'écrivain, il a toujours dit que pour lui, il prenait un billet à la loterie, dont il espérait qu'il serait gagnant, ce serait ses romans, la littérature. Donc il confiait bien à la littérature ses chances de survie auprès de la postérité. Mais l'amour était pour lui plus important que la littérature. La grande affaire de sa vie. Ou plutôt la seule. La grande affaire, ou plutôt la seule. Mais pour en venir à l'épitaphe, je voudrais souligner combien elle était scandaleuse et combien elle a scandalisé. D'abord, pour être rédigé en italien. En italien, imaginez un haut fonctionnaire français, représentant la France à l'étranger, dans les états du pape, qui se fait, comme on l'a dit à Rome, naturaliser italien chez les morts. Ça a été très mal vécu à l'ambassade de France à Rome, qui a considéré ça comme d'un parfait mauvais goût, et donc même une sorte de faute professionnelle. Mais c'était évidemment pour lui une manière définitive, pour les siècles des siècles, de professer son appartenance à une patrie d'adoption, dont on a pu dire d'ailleurs que c'était plutôt une matrie qu'une patrie, puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'était une manière pour lui oblique de rejoindre sa mère. Mais en même temps, c'est pas très original, l'Italie. Enfin, les écrivains au XVIIIe siècle, les artistes, les peintres, allaient en Italie pour leur grand tour, et à la fois pour découvrir les lumières de l'Italie, en même temps pour se déniaiser, souvent aussi. Donc il y a quelque chose, finalement, d'assez classique. Oui, il hérite complètement de cette grande tradition qui remonte à Montaigne, même, du voyage en Italie, mais surtout, comme vous venez de le dire, à celle du grand tour, comme rite initiatique. Donc il reprend cette tradition, mais il l'intériorise. Il s'agit pour lui véritablement d'adopter, parce qu'il en a été adopté lui-même, un pays où il est possible d'être soi-même, de se découvrir et d'être soi-même pleinement. Alors qu'il vit le mode d'être en France comme essentiellement mutilant. Le jeune Français est vieux à 20 ans, tandis que le jeune Italien est un geyser passionnel. Le désir est roi en Italie, l'État n'existe pas, on n'est pas corseté par le catéchisme des convenances, des bienséances, chacun n'écoute que la voix de son désir, et s'accomplit, quel que soit le prix à payer. C'est fou, parce qu'il découvre, il est à peine débarqué à Milan, il franchit la frontière, il découvre l'opéra avec le Matrimonio Segreto de Cimarosa, et il va découvrir des paysages merveilleux qui vont l'enchanter, ce climat, il va découvrir la peinture aussi, la sculpture, c'est une véritable explosion, il va même en tomber en pamoison, littéralement, il s'évanouit devant les beautés des chefs d'œuvre. C'est un déferlement absolument insensé de tout ce dont il vivra au long de sa vie. Vous évoquez l'opéra. Stendhal est un lyricomaniaque absolu. C'est pas seulement pour passer le temps ou avoir des jolies soirées au théâtre, dans la bonne société. C'est pas des mondanités. C'est une addiction. C'est une véritable drogue. Il ne peut pas vivre s'il n'entend pas de l'opéra ou s'il ne va pas au théâtre. Et il le dira sans barguigner. Les moments moments les plus heureux de ma vie, sans discussion, ont été ceux que j'ai passés dans les salles de spectacle. Et puis la peinture, qui sera pour lui véritablement beaucoup plus qu'un goût de dilettante, mais une véritable passion aussi. Alors évidemment, les critiques d'art ont regardé avec une certaine condescendance les extases picturales de Stendhal, parce qu'il les trouve impures, parce qu'il y projette évidemment toute sa dramaturgie amoureuse. Personnelle, ouais. Voilà. Et donc, évidemment, pour un critique d'art sourcilleux, il mêle beaucoup de choses dans la peinture qui n'ont rien à voir avec elle. Et évidemment, l'Italie, c'est le pays où il découvre l'amour. Alors, les femmes. Bien sûr, il est arrivé sans avoir du tout d'expérience érotique de ce côté-là. Et là, il a été dépucelé, nous dit-il, il se rappelle même plus avec qui, en passant le Saint-Bernard, ou tout de suite après l'avoir passé, déjà en Italie. Et c'était une formalité dont il avait hâte. Avec une femme, peut-être quand même. Oui, ça sans aucun doute. Quoi qu'il ait été gay-friendly, c'était évidemment avec une femme. Mais il a dit qu'il était content d'être débarrassé de cette formalité pour pouvoir s'adonner de manière sérieuse à la passion. Et pour lui, il n'y a d'amour qu'en Italie. Et même la langue italienne est amoureuse, beaucoup plus sensuelle que le français, trop cartésien, trop méthodique, trop précis, trop froid, sans doute, alors que l'italien chante. En quoi est-ce que la Chartreuse de Parme, elle reflète sa vie, ou du moins le reflet de son désir? Alors, elle reflète sa vie telle qu'elle il l'aurait souhaité. C'est une sorte de conte de fées, mais de conte de fées avec beaucoup de zones d'ombre. Il n'y a pas vraiment de happy end dans la Chartreuse de Parme. Non. On voit l'usure du temps. Il y a les débuts. Ça fait penser à la phrase de quelqu'un que Stendhal n'aimait pas du tout, Madame de Staël, qui a dit quelque part « Il n'y a de beau que les commencements ». Alors, les commencements sont sublimes, sont magiques, c'est magnifique. Et puis, le temps fait son œuvre, il grignote peu à peu, et la fin de la Chartreuse de Parme est extrêmement mélancolique et crépusculaire, et ce lien fabuleux qui parcourt et anime l'essentiel du roman entre Fabrice et sa tante, la duchesse Sanseverina, se gâte, se délite. Finalement, le neveu et la tante n'ont plus rien à se dire, ils se sont tant aimés, et finalement ils sont séparés par l'apparition de Clélia, qui était celle que depuis puis toujours sans le savoir, Fabrice attendait. Donc c'est pas du tout un livre naïf. La fin de la Chartreuse de Parme, autant que nous pouvons la juger, puisqu'elle a été très bouleversée par l'éditeur qui trouvait que c'était trop long et qui a obligé Stendhal à sabrer beaucoup dans la fin, telle que nous la lisons aujourd'hui, ne correspond peut-être pas exactement à l'idée première que Stendhal en avait. Merci beaucoup Philippe Berthier. Je recommande bien sûr la lecture des œuvres de Stendhal qui sont disponibles en Pléiade, une édition que vous avez dirigée, ou en poche bien sûr. On peut citer parmi vos livres à vous, Philippe Berthier, Stendhal et le grand art de voyager, paru en 2021 chez Honoré Champion, et bien sûr l'indémodable Stendhal, vivre, écrire, aimer, aux éditions de Fallois, publié en 2010. C'est la fin pour ce soir de Temps n'importe l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où vos commentaires sont comme toujours les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons à la rencontre d'un autre écrivain sympathique lui aussi, Robert Desnos. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, cela vous dit quelque chose? Proche des surréalistes, Desnos, s'il écrivait des comptines pour les enfants, fut tout simplement un grand poète et aussi un homme engagé dans la résistance sous l'occupation, un engagement qu'il paiera de sa vie. La prophétie de Robert Desnos, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.